Section 80 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 15, quatrième partie. Reconstitution de l'Empire grec, par Alfred Rambaud. Les débris de l'Empire grec en 1204. Le jour où Mourzouf s'enfuit de son palais, deux compétiteurs, pendant l'assaut même des Latins, se disputaient la couronne impériale, un Doukas et Théodore Lascaris. Comme il n'y avait là ni peuple ni sénat, le clergé se prononça pour Lascaris, qui fut proclamé à Sainte-Sophie. Bientôt, il doit fuir devant les Latins, maîtres de la ville, et se retire en Asie. Le patriarche et le clergé l'y suivent. C'est l'Empire de Nicée qui commence. Des pays orthodoxes les plus lointains, de Russie par exemple, c'est à Nicée que les évêques viennent se faire consacrer. Bientôt, l'empereur de Philadelphie, Mancapas, Gabalas et autres prétendants orientaux se soumettent à Lascaris. Pendant que Michel, fils naturel d'un certain Constantin Lange, va fonder dans les montagnes de l'Albanie et d'Étolie le despotat d'Épire, un petit-fils de l'usurpateur, Andronique Comnène, se proclame empereur à Trébizonde. Quelques mots seulement sur ce dernier empire qui n'eut aucune action sur la marche de l'histoire et qui ne fit que stériliser une partie des forces de l'hellénisme. Empire de Trébizonde. La région qui s'étendait de l'Alys, Kizil Irmak, au Caucase, sur le rivage méridional de la mer Noire, l'ancien royaume de Pont et Paphlagonie était complètement isolé de l'Empire grec par le sultanat d'Iconium. À plusieurs reprises, on avait vu les gouverneurs, Théodore Gabras, Grégoire Taronite, Constantin Gabras, se rendre presque indépendants. Trébizonde était d'ailleurs une ville riche, dans un port bien abrité, intermédiaire obligé du commerce entre la mer Noire et les régions de l'Euphrate. Les Comnènes étaient originaires du pays. Alexis y fut bien accueilli. Il leva des mercenaires ibériens, débaucha des troupes impériales, chassa le gouverneur de Trébizonde et se proclama empereur, 1204. Trébizonde, fier d'être capitale d'empire, si petit que fut l'empire, décerna au fondateur le surnom de Grand. Il occupa Tripoli, Carasunthe, Eunéon, Amastris, Théos, Sinope, tandis que son frère David envahissait la Paphlagonie. Sauf Samsoun, occupé par les Seldjoukides, tout le littoral, déraclé à la région caucasienne, appartint au nouvel État. Et plus tard, comme il avait une belle marine, la côte sud de la Crimée. Cet empire était presque tout en littoral. Le nouveau souverain de Nicée, très occupé avec les Latins, laissa d'abord faire. Mais quand David menaça Nicomédie, Théodore Lascaris fit alliance avec Gaïas Eldin, sultan des Seldjoukides. Le sultan battit Alexis et le Basileus repoussa David. Celui-ci fit alors alliance avec les Latins de Constantinople et concourut au premier succès de Henri de Flandre. Lascaris put enrôler des mercenaires latins. Avec leur secours, il reprit Héraclée, Amastris, Théos, tandis que As-Eldin, successeur de Gaïas Eldin, assiégeait Sinope. L'irruption des Turcomans de Cappadoce dans le pont, des Ibériens dans la Colchide, achèveront de calmer l'ambition des deux frères. Dès lors, l'état de Trébizonde eut une existence purement asiatique, ayant à lutter contre les petits princes d'Ibérie, les émirs arméniens, les chefs turcomans. Il finit par se reconnaître vassal du sultan d'Iconium. De 1222 à 1263, se succédèrent Andronique Ier, Guidos, Jean Ier, Axoukos, Manuel Ier, que la mégalomanie des gens de Trébizonde surnomma le grand capitaine. Puis, de 1263 à 1461, 17 autres souverains, dont 3 impératrices. En somme, Trébizonde n'eut d'importance que par son commerce, qui se développa surtout quand ses maîtres eurent renoncé au rôle de conquérant. Despotat d'Épire. La tentative faite par Michel, le bâtard des Langes, dans l'ouest de la péninsule des Balkans, pour la reconstitution d'un empire grec, fut autrement sérieuse. Elle s'appuyait sur les Skipetars d'Épire, sur les plus rudes des tribus helléniques, celles d'Étolie, Arcanie et Macédoine, sur une partie des Vlaques et Bulgares. Michel appela aux armes les montagnards, transforma les brigands en guerriers soldés. Les Cleftes en Armatoles et Estradiots enrôla des mercenaires étrangers. Il conserva les formes de l'administration byzantine avec moins d'âpreté fiscale et plus d'économie. Garantissant la sécurité des villes grecques, il put leur demander de l'argent et avec cet argent désintéresser et solder les tribus pillardes. Tout d'abord, il empêcha les Vénitiens de s'établir sur cette partie du littoral adriatique que la partition leur avait assignée. Très pratique dans ses ambitions, il se contenta du titre de despotesse, reconnaissant implicitement l'empereur de Nicée. Quand il mourut en 1214, assassiné par un de ses esclaves, il fut remplacé par son frère Théodore, qui s'était d'abord réfugié à la cour de Nicée. Lascaris, avant de le laisser partir, lui fit prêter serment de fidélité. Mais Théodore ne se souciait ni des Grecs, ni des Français, et entendait bien faire sa politique à lui. C'est lui qui anéantit l'armée de Pierre de Courtenay, conquit Andrinople et la Thrace jusqu'à la mer Noire, la Thessalie et la Macédoine jusqu'à Thessalonique, finit par entrer dans cette ville et s'y faire couronner empereur. Il eut l'habileté d'amuser des papes de protestation catholique et par deux fois de leur faire décommander les croisades dirigées contre lui. Son ambition l'ayant mis en conflit avec l'empire vlaco-bulgare sous Hasan II, il fut battu à Kloconitsa sur la Maritsa et fait prisonnier. Comme il intriguait contre son vainqueur, celui-ci lui fit crever les yeux, 1230. Il obtint cependant sa liberté en donnant une de ses filles à Hasan II et reparut en Épire, guerroyant contre son frère et successeur Manuel, associant à l'empire son fils Jean. Vatatzès profita de ses guerres civiles. Il prit Thessalonique, 1246, et mit fin à l'Empire épirote. Il n'en resta que quelques débris. Ainsi, l'ex-empereur associé Jean garda Thessalonique comme simple despotesse pour le comte de Nicée. Théodore l'Aveugle se maintint à Vodena, Ostrovo, Staridona. Un fils naturel de Michel, Michel II, se fortifia à Pélagonia, Ocrida, Prilep. Bientôt, Théodore l'Aveugle disparaît, livré par Michel II. Michel II, battu à Pélagonia, perd la plus grande partie de ses états. Les princes épirotes donnèrent encore bien du souci à l'Empire grec. En 1318, le dernier de la race qui ait porté le titre de despote d'Épire, Thomas, fut assassiné. Empire de Nicée. Il fut un moment où l'on put croire que ce serait par les Langes d'Épire que se referait l'Empire de Byzance. Théodore, avant sa malheureuse guerre avec Hasan II, étant maître d'Andrinople, de Thessalonique, d'une partie du rivage de la mer Égée et de la mer Noire, semblait bien près d'atteindre le but. L'Empire de Nicée, réduit à quelques villes d'Asie, n'eût plus été qu'un autre état de Trébizonde. La défaite de Théodore l'Ange sur la Maritsa fit prendre à l'histoire de l'Orient un autre cours. Théodore Lascaris. Le premier empereur de Nicée, 1204-1222, eut l'adresse de brider l'ambition des empereurs de Trébizonde en leur opposant les Seldjoukides, est d'amortir la première fougue des concurrents latins de Constantinople. Il eut cette fortune que leur imprudence provoqua la diversion vlaco-bulgare. Ses ressources financières étaient restreintes, son armée nationale peu nombreuse puisqu'il avait peu de territoire, sa flotte inférieure peut-être à celle de Trébizonde. Mais presque tous les Grecs patriotes accouraient de Byzance à Nicée. Et les bandes errantes de croisés lui fournirent des mercenaires sans préjugés. Et puis, s'il y avait plusieurs empereurs grecs, il n'y avait qu'un patriarche de Constantinople, et c'était à Nicée qu'il siégeait. L'Ascaris sut montrer une valeur brillante, comme le jour où il assaillit avec 2000 hommes une armée seldjoukide de 20 000. Il eut de l'habileté encore plus, car il réussit à s'assurer l'alliance des Seldjoukides et à intéresser plusieurs fois le pape en sa faveur. Il attendait que le cours naturel des choses amenât l'affaiblissement de l'Empire latin. Il vécut surtout de négociations, de trêves, de patience. Son règne fut celui d'un temporisateur. Jean III vint à Tzès. Son successeur fut son gendre, Jean Doukas Vatadzès, 1222-1255. Les temps étaient plus favorables. Les empires latins et bulgares visiblement en déclin. Seul l'empire épirote restait à craindre. Vatadzès put monter autant d'activités que son beau-père avait déployé de patience. Les Français ayant recommencé les hostilités en Asie, il remporta sur eux la victoire de Pemenénon, 1223, qui fit une nouvelle saignée à l'Empire latin, déjà épuisé d'hommes. Tout ce qui restait aux Français de possession asiatique fut annexé à l'Empire de Nicée. Puis, le blocus se resserra chaque jour plus étroitement autour de Constantinople. En 1235, Vatatzès enlevait Gallipoli et formait la grande coalition dont nous avons parlé ci-dessus. Il tâta la capitale, mais Jean de Brienne lui fit éprouver un échec. Geoffroy de Morée arriva dans le détroit avec 6 vaisseaux, portant 100 chevaliers, 300 arbalétriers, 500 archers. Pour la première fois, peut-être, les Vénitiens se concertèrent avec les Génois et les Pisans en vue de la défense. D'autre part, l'amitié d'Azan II pour les Latins ne pouvait être qu'intermittente. On le vit bien au siège de Turulon. On trouva des alliés plus sûrs dans les Coumans, qui, refoulés dans le sud par l'invasion tartare, vinrent se mettre à la solde des Français et se cantonnèrent sur la Marisa. Narjo de Toucy, vicaire de l'Empire en l'absence de Baudouin II, épousa la fille de leur chef Jonas. Avec leur secours, on finit par enlever Turulon, 1240. Vatatzès se retourna contre les pires. Il sut y fomenter la guerre civile. La prise de Thessalonique lui permit de reprendre ses desseins sur la capitale des Latins. Il fit échouer un projet de mariage entre Baudouin II et une fille du sultan d'Iconium, en concluant avec celui-ci une alliance offensive et défensive. D'autre part, il s'étendait aux dépens de l'Empire bulgare, déjà très affaibli. Il lui enleva Melnik, Skopia et une grande partie de la Macédoine. Aux Français, il reprenait Turulon, qui, dans son plan d'attaque contre Byzance, avait une importance capitale. Il amusait le souverain pontife avec l'éternelle question de la Réunion, offrant de reconnaître la suprématie romaine, pourvu que le pape abandonnât Baudouin. Peut-être même, tant il désirait ardemment Constantinople, était-il sincère dans ses propositions. Vatatzès, par sa diplomatie, par ses armes, avait préparé la conquête de Byzance. Il ne fit qu'entrevoir la terre promise. Il mourut en 1255. Avènement des paléologues. Celui qui devait recueillir le fruit de ses travaux, ce ne fut pas son fils, Théodore Lascaris, mais l'usurpateur de son trône après la mort de celui-ci. Engagé dans d'obscures intrigues contre Théodore Lascaris, l'ambitieux Michel Paléologue avait réussi à se justifier. Puis, quand cet empereur mourut, 1258, laissant un fils de 8 ans, Jean Lascaris, il souleva les mercenaires latins dont il était le connétable. Le tuteur du jeune prince, Mousalon, fut arraché à l'autel et coupé en tant de morceaux qu'il fallut les recueillir dans un sac pour pouvoir l'ensevelir. Michel devint lui-même tuteur de l'enfant, puis associé à l'Empire. Sur ses monnaies, il est représenté tenant le petit empereur sur son bras. Cependant, quand il se fit couronner à Nicée, 1259, il négligea de faire couronner son pupille. Quand plus tard il se fera couronner pour la seconde fois dans Sainte-Sophie reconquise, il ne sera même plus question du petit-fils de Vatatzès. Michel VIII. Michel Paléologue justifia du moins son ambition par de grands talents militaires et une politique des plus habiles. Elle était nationale dans le propre sens du mot. Quand les ambassadeurs de Baudouin II vinrent le prier de restituer Thessalonique, il répondit qu'il ne leur laisserait même pas Constantinople. Il ajouta « Si les Latins veulent continuer à l'habiter, qu'ils me payent tribut. » Quand il eut battu les Épirotes et les Français de Morée, en Pélagonie, 1258, il obligea Guillaume d'Arcahie à lui céder ses forteresses les plus importantes. Passant lui-même en Thrace, il enleva Célimbria, assiégea Galata. Le progrès des Tatars en Asie mineure l'y rappelait et lui firent accorder aux Latins une trêve d'une année. Le boulevard que l'Empire seldjoukide faisait du côté de l'Est à la monarchie grecque était détruit. Le sultan d'Iconium, Roch ed-Din, venait, avec son harem, chercher un asile dans Nicée. Michel se fit une réputation de grandeur d'âme par l'accueil courtois qu'il fit aux vaincus. En secret, il traitait avec le vainqueur et parvenait à détourner l'invasion. Reprise de Constantinople par les Grecs. 1261. Comme l'un des derniers tsars de Bulgarie, Constantin Tek, avait refusé de le reconnaître, Michel envoya en Thrace le César Alexis Strategopoulos. La trêve avec les Latins durait encore. Ce général, en passant tout près de Constantinople, devait donc se borner à s'informer de ce qui s'y passait. Le César n'avait emmené que 800 cavaliers et quelques infanteries. Mais à peine eut-il débarqué à Gallipoli que 20 à 25 000 volontaires grecs ou Coumans vinrent le joindre. Ils l'informèrent que toute la garnison vénitienne et française de Byzance s'était transportée par mer à 40 lieues de là, sur le rivage de la mer Noire, pour tâcher de surprendre Daphnusion. S'approchant de la grande ville à la faveur de la nuit, ses patrouilles rencontrèrent un citadin qui se promenait dans la campagne. On lui demanda comme il avait fait pour sortir, puisque les portes étaient fermées. Il répondit que sa maison était voisine du rempart et communiquait avec le dehors par un passage souterrain. Le César, craignant une si grosse responsabilité, hésitait à profiter de cette bonne fortune. À la fin, il fit passer dans le souterrain, à la faveur des ténèbres, 50 hommes déterminés. Arrivé en ville, il brise une des portes à coups de hache et font entrer le reste de l'armée, qui réveilla la cité au cri de « Victoire aux deux empereurs, Michel et Jean ». La population grecque prêta aussitôt main forte. Les rares Latins qui firent mine de résister furent massacrés. Baudouin II, qui habitait alors le palais des Blachernes, n'eut que le temps de se jeter dans une barque. Il oublia même les ornements impériaux qui furent apportés au César. La flotte latine, qui revenait de Daphnusion, informée de ce qui se passait, faisait force de rames. Les 6 000 guerriers qu'elle portait étaient supérieurs en valeur, sinon en nombre, à la petite armée du César. Pour compenser leur infériorité, les Grecs mirent le feu au quartier habité par les Latins, afin que le souci de sauver les fuyards occupa l'armée de Daphnusion. Ce stratagème réussit, et les Latins, n'ayant plus rien à défendre dans Byzance, ne voulurent pas risquer un combat incertain. En Europe, on parla de croisade. Urbain IV la prêcha. Les Vénitiens et les barons de Morée la commencèrent. Baudouin II mourut en 1272. Il laissait un redoutable héritier de ses prétentions en la personne de Charles d'Anjou, roi des deux Siciles, tout disposé à reprendre les plans de ses prédécesseurs normands et qui venait de marier sa fille Béatrice à Philippe, fils de Baudouin II. Michel VIII, sérieusement effrayé, se hâta d'occuper la cour de Rome en négociant, même avec une grande apparence de bonne foi, pour la réunion des deux églises. Il trouva un bon partenaire en Clément IV, qui redoutait les ambitions de Charles d'Anjou. À ce moment même, Charles armait une flotte à Brindes, d'où il comptait cingler sur Durazzo. La mort de Saint-Louis lui fit ajourner l'expédition. Grégoire X montra la même complaisance à écouter les propositions de Michel VIII. L'œuvre de réunion semblait faire des progrès. Au Concile de Lyon, 1274, les envoyés de l'empereur adhérèrent à la procession du Saint-Esprit et reconnurent la suprématie papale. À Constantinople même, Michel VIII se trouvait aux prises avec de vives résistances, celles de la majorité du clergé, soutenues par la presque totalité de la nation. Il lui fallut déposer coup sur coup trois patriarches, se faire lui-même théologien et disserter sur la procession. Torturer les polémistes récalcitrants, lutter contre sa sœur Eulogie et presque toute sa famille, surveiller les princes des pires, qui ne manquèrent pas de se poser en champions de l'orthodoxie, contenir ses généraux disposés à trahir la cause de l'empereur plutôt que celle de Dieu. Ses négociations avec Rome continuèrent sous Jean XXI et Nicolas III, également mal disposés pour Charles d'Anjou, mais qui n'étaient pas fâchés de voir les Basileus s'assouplir par la terreur de ses armes. Le rôle qu'avait assumé Michel VIII devenait insoutenable. C'est la cour de Rome qui prit l'initiative de la rupture. Un Français, dévoué à Charles d'Anjou, Simon de Brie, fut élu pape sous le nom de Martin IV. Il reçut brutalement les envoyés du Basileus, traita sa conduite d'imposture et d'hypocrisie, alla jusqu'à blâmer les persécutions contre les schismatiques, obstiné mais du moins sincère, finit par le retrancher de la communion romaine. Il semblait que rien ne pût désormais prévenir le coup dont Charles d'Anjou, son gendre, l'empereur Philippe et les Vénitiens menaçaient l'Empire grec. Déjà, 3000 Latins débarqués en Épire marchaient sur Thessalonique. D'une part, Michel VIII sut le reposer des forces supérieures, les décimer dans une guerre de détails et d'embuscades, finalement, les prendre tous avec Rousseau de Sully, leur général. 1281. D'autre part, son or et sa diplomatie, son alliance avec la maison d'Aragon, son entente avec Jean de Procida et les mécontents d'Italie, préparaient cette explosion des vêpres siciliennes qui fit perdre à Charles d'Anjou jusqu'à sa base d'opération. Mars 1282. Michel mourut en décembre de la même année, détesté de ses sujets, emportant dans la tombe le secret de sa sincérité ou de sa duplicité à l'égard de Rome, mais certain d'avoir consolidé les résultats du coup de main de 1261. Lui qui avait rendu Constantinople aux Grecs ne fut même pas enseveli dans le caveau des empereurs, à l'église des saints apôtres. Son fils Andronique II, empressé de répudier toute solidarité avec les prétendues erreurs religieuses de son père, le fit enterrer sans bruit dans un coin de la Macédoine, au lieu même où il avait succombé à la maladie en marchant contre les Épirotes. Fin de la section 80.